18, 22, observation, impératif et pronom. Ne me dérange pas. Laisse-moi tranquille. Ne le dérange pas. Laisse-le tranquille. Ne la dérange pas. Laisse-la tranquille. Ne les dérange pas. Laisse-les tranquilles. Ne nous dérange pas. Laisse-nous tranquilles. Ne vous dérangez pas. Dérangez-vous. Ne te dérange pas. Dérange-toi. Notez que dans le cas d'un impératif positif, le pronom personnel est placé après le verbe. Me est remplacé par moi et te est remplacé par toi. Pour les esprits curieux et exigeants, notez que dans les phrases 6 et 7, te, toi et vous sont des pronoms réfléchis. Le sens de déranger est différent. Dérange-toi veut dire lève-toi et va ouvrir la porte, par exemple.